Annonce 1. Chers clients, profitez de notre offre exceptionnelle au rayon boucherie jusqu'au 12 avril. Les 3 kilos de bœuf bourguignon sont à 18 € seulement.